Lagrimas ou Un ange sur la terre. Scène de mœurs contemporaines par Fernand Caballero, traduit de l'espagnol avec l'autorisation de l'auteur par Alphonse Marché. 1861. Préface. Quand le premier ouvrage de l'auteur de Lagrimas parut en Espagne dans une feuille quotidienne, cette publication fut accueillie par le public avec un enthousiasme universel. Voici comment s'exprimait un des critiques les plus compétents de la presse espagnole, Don Eugenio de Ochoa, en terminant un article consacré dans le journal La España à l'examen de La Gaviota. C'est la première lueur d'un beau jour, le premier fleuron de la couronne poétique qui scindra le front d'un Walter Scott espagnol. Dans un prologue mis en tête d'Elia, autre roman de l'auteur, cette opinion se trouve confirmée par l'appréciation d'un littérateur distingué, Don Fernando de Gabriel y Ruiz de Apocada. L'enthousiasme et le sentiment, dit-il, sources inextinguibles de tout ce qui est grand et généreux, ont été prodigués, à pleine main, aux romanciers inspirés, dont l'apparition fut un événement vraiment glorieux pour les lettres espagnoles et un titre de noble et légitime orgueil pour la patrie du célèbre enfant de Lépante, etc. Dans la préface que Fernand Caballero a placée en tête de La Gaviota, son premier roman, il a déterminé admirablement le point d'où il est parti et le but moral qu'il se propose dans ses ouvrages. En composant cette œuvre légère, dit-il, nous n'avons pas eu l'intention de faire un roman, mais de chercher à donner une idée exacte, véritable, de l'Espagne, des mœurs de ses habitants, de leur caractère, de leurs habitudes. Nous avons voulu esquiver la vie intime du peuple, dans la haute et la basse classe, peindre son langage, ses croyances, ses traditions et ses légendes. Ce que nous avons recherché, avant tout, c'est de peindre, d'après nature et avec la plus scrupuleuse exactitude, les objets et les personnages mis en scène. Aussi cherchera-t-on vainement, dans nos acteurs, des héros accomplis ou des scélérats consommés, comme on en trouve dans les romans de chevalerie ou dans les mélodrames. Notre ambition a été de donner une idée aussi vraie que possible de l'Espagne et des Espagnols. Nous avons tenté de dissiper ces monstrueuses préventions, transmises et conservées, de génération en génération, comme des momies d'Égypte. Il nous a semblé que le meilleur moyen d'atteindre ce but était de remplacer, par des tableaux tracés avec une plume espagnole, les esquisses mensongères nées sous la plume des étrangers. Ce programme, dont nous venons de donner les principales parties, Fernand Caballero l'a religieusement et admirablement rempli dans toutes ses œuvres qui se sont succédées depuis 1849, époque où parut son premier ouvrage, et l'opinion publique a confirmé le succès qui avait salué ses débuts dans la carrière des lettres. Les hommes les plus distingués dans la littérature espagnole, et il nous suffira de citer le duc de Rivas, J. F. Pacheco, Eduardo Pedroso, Luis de Equilaz, etc., etc., ont tenu à honneur d'enrichir de préfaces les œuvres de Fernand Caballero. Et tous se sont accordés pour les présenter comme éminemment morales et propres à faire la gloire de l'auteur et l'honneur de l'Espagne. À ces flatteuses appréciations sont venus se joindre des témoignages non moins flatteurs de sympathie de la part des littérateurs étrangers. En France, M. de Mazade, dans la Revue des Deux Mondes, M. Antoine de la Tour, dans la Revue britannique, et dans son intéressant ouvrage sur l'Espagne. En Angleterre, Charles Dickens dans le recueil intitulé All the Year Round. La place des romans de Fernán Caballero était donc marquée à l'avance dans une bibliothèque de bons livres français et étrangers, et nous sommes heureux d'inaugurer la publication des traductions étrangères par une œuvre aussi morale que Lágrimas. Lágrimas est le plus récent, et nous l'espérons bien, ne sera pas le dernier des romans de Fernán Caballero. L'auteur a peint une jeune fille, une tendre fleur des tropiques, transplantée en Europe, modeste violette dont le doux parfum s'exhale encore, malgré le monde qui la foule aux pieds. Tous les personnages de ce roman semblent reproduits au daguerréotype. Qui n'a rencontré dans le monde un grossier enrichi comme Don Roque? L'avarice sordide semble avoir été incarnée dans la peau de Don Tembleque. Dans chaque bourgade, on trouve un perfecto civico. Le bon sens parle par la bouche de sa femme. Quant à son fils, plût à Dieu que ce fût un être idéal. Enfin, tous les personnages qui agissent dans ce roman ont été pris sur nature. Nous ne chercherons pas à soulever le voile dont l'auteur a voulu se couvrir en adoptant le nom de Fernán Caballero, bien que ce voile soit devenu aujourd'hui des plus transparents. Mais personne ne doutera de son sexe après avoir lu Lágrimas. En habillant à la française l'héroïne de ce roman, nous craignons bien de lui avoir ôté cette grâce andalouse que l'auteur lui a prodiguée. Il faut une main féminine pour fixer une mantille et savoir attacher une fleur dans les cheveux. Dans tous les cas, nous avons fait de notre mieux. Et pour terminer à l'espagnol, excusez les fautes du traducteur. A.M.